On va parler des castors de Lebourg avec l'instructeur-chef Robin Bouliane. Salut Robin! Salut Danny! Robin, en fin de semaine, les castors, défaite et victoire. Donc on va commencer par le match de vendredi soir où c'était une défaite de 2-1 contre le National de la Baie. Oui, c'est quand même un match serré. La Baie, c'était une équipe, disons-le, à notre portée. C'est un match qui s'est joué beaucoup. On n'a pas accordé beaucoup de chances de marquer. Puis d'un autre côté, ils nous en ont pas donné beaucoup non plus. Donc, un match assez fermé. Ça s'est terminé 2-1 à la toute fin. Là, c'était une bonne partie de la game. Puis à la fin, un revirement, malheureusement, nous a causé là, un but. Il restait 23 secondes. Donc c'est de cette façon-là qu'on s'est incliné. Pas grand-chose à dire là-dessus. Puis dans l'autre match c'est pas annoncé sur le site, les Castors contre les Orioles, mais je sais que vous avez gagné ce match-là. Oui, on a gagné 4-2. 4-2, oui. Oui, c'est ça, contre les Orioles, quand même une bonne équipe. Je suis content de l'effort des gars pendant les trois périodes. On a eu peut-être en début de troisième, ça a été un petit peu plus difficile. Mais on a généré beaucoup de choses, on a beaucoup plus d'offensives, beaucoup de lancers au but, beaucoup de rebonds qu'on a pris, donc ça a été profitable. Puis dans ce sens-là, là, je suis vraiment content de l'effort de mes jeunes. Ben, en tout cas, moi, c'est de bien terminer l'année. C'est ça qui est le principal, là, comme qu'on avait dit. Là. Absolument. Ben, c'est ça. C'est de bâtir sur les bonnes choses qu'on fait, puis de les garder, de les mettre en pratique tout le temps. C'est ça l'objectif. Puis c'est ça ce qu'on veut appliquer à nos 17 joueurs. Ouais, pour être prêts là, pour la vase des séries. OK. Hey, dis-moi, en fin de semaine, c'est un gros tournoi, c'est à Alma, c'est le tournoi midget. Je pense que c'est pratiquement tout le temps obligatoire pour les d'y aller. Comment tu t'attends là-dessus? Donc, c'est quoi l'objectif? C'est contre qui votre premier match? Je t'arrête. On participe pas au tournoi. Ah, OK, vous participez. On s'inscrit, puis au moment où on s'était ici, il n'y avait plus de place dans le tournoi. Puis, ils nous ont mis sur l'équipe de réserve. Mais là, nous autres, il fallait booker notre saison. Fait qu'on s'en va à Bécomo pour deux matchs en fin de semaine. Ah, OK. Mais c'est pas un tournoi qui est obligatoire, ça? Il me semblait que c'était obligatoire, ce tournoi-là. Nous, on pensait que... Nous autres aussi, on était sûrs, là, au moment où on s'est inscrit, qu'il y avait une place de réservée pour nous. C'était obligatoire, comme tu l'as dit, mais il semblerait que non. Là, ils veulent faire vraiment... Ils veulent attirer un petit peu plus d'équipes de l'extérieur. Ah, OK. Donc, c'est pour ça qu'on s'est fait damer le pion par une équipe de l'extérieur. OK. Bécomo en fin de semaine. Donc, c'est... deux matchs. Moi, j'appelle ça pour rire. Je dis que c'est le voyage sur la côte ouest des équipes d'ici. Donc, c'est à peu près ça. Oui, c'est comparable. C'est comparable à ça. Donc, ça un voyage sur la côte ouest, un gros 5 heures d'autobus qu'on va aller se taper. Puis, pour le voir le côté positif, donc on va se regrouper toute l'équipe ensemble. Ouais. On va aller on va avoir des déjeuners, des soupers ensemble. Donc, ça va permettre de renforcer les liens à l'intérieur de l'équipe. Quel genre d'équipe que c'est avec Bécomo? Bécomo sont venus jouer contre nous autres. On a eu une victoire, une défaite contre eux. OK. C'est ce qui nous ressemble un peu, là. Donc, c'est à notre portée. Mais encore une fois, Danny, peu importe contre qui on se présente, si on ne travaille pas tout le monde ensemble, les chances de victoire sont faibles. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut aborder les matchs. Ben, c'est sûr. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, Robin? Absolument. Voilà, c'était la chronique des Castors de Debout avec Robin Bouliane.